Soaking roof. Go Sam. I'm from the jungle. Sesco's. Funnum. One, two, three. Buzz game, fashion, je suis déjà zaïri. T'as raffiné, je suis pas une star, je suis la voix de la rue. Venu tout baiser. Salam, vida loca, slalom. Zamal, tu vas chalas toute la soirée. Mon habit crave la muerte, la droga. Point de suture sur la boca. Mon cœur appartient à maman, toi t'es in love with the coco. J'allume sur la famille, j'fais pas Zama. Sur la barbe à Oussama. Viandra, Bekouk, c'est un drogue. Bikrav, c'est un drogue qui vient de Kutama. Y'a 2-3 PD qui veulent ma peau, peau, peau. 2-3 Schmitt qui me veulent le monde à des peaux, peaux, peaux. Y'a 2-3 bonhommes droits qui m'épaulent, peaux, peaux. Y'a 2-3 putes qui croient que je sais peur, peur, peur. My man, Dunia nous malmène. Regarde vers l'Afrique, j'aimerais essuyer celle-là, moi. Bella, bella, j'm'en bats les couilles d'être le meilleur rappeur. C'est la moula que je vis jusqu'à vider le chargeur. Bella, bella, j'm'en bats les couilles d'être le meilleur rappeur. C'est la moula que je vis jusqu'à vider le chargeur. I see this shit nigga every day. Talking about blue drugs and homeless. Shout out my niggas and my white man. I'm keeping real heaven and change the place. Catalina making prayers, I can die for this bitch. I can love it, you're not Shakira. You wanna know where I am, you don't know. I'm a fast life and boo, got rest for my young. We wanna shine, we wanna live real, yeah. So many cries, so many tears, so many victims, damn. Living a life and taking risk. Milli, milli, was born in Paris. Fucked up police and the bitches, cause they ain't got no respect for the parents. I say, yeah, man, now you know my religion. I'm a fucking artist and remission. She wanna give me the body, nigga, shit. I got different vision, nigga, I'm a fisher. Do what I want. In my life is pleasure. In my life is pleasure. You can't be my bro. But I gave you a Christian. Yeah. Cocaína dans le frigo. Haram, haram, el fuego. Argent sale dans le bain d'or. On compte l'argent sale dans le bain d'or. Cocaïna dans le frigo. Haram, haram, el fuego. Argent sale dans le bain d'or. On compte l'argent sale dans le bain d'or. You wanna be rich. Take a risk. Living a life. You wanna be rich. Living a life. And take a risk. Living a life.